façon. Espagne pour Pavon. Y'a qu'un ou plus dans la castagnette. Tu es flamingo, y'a c'est un bon mais il faut. Ça y'a dans sa timing qui pour le plecton. Oh y'a le pango, il le rythme et mes plots. Welcome to my Spanish festival. Y'en font pour her pour faire des selles. Y'a elle, dans sa pour musique. Jeg drømmer, mens jeg retter på et bånd. Mens fraget panda ryger ind.